J'appelle Momo, oh c'est carré, il démonte un citron. J'appelle Kara, oh c'est carré, il pète ton carreau. J'appelle Momo, oh c'est carré, il démonte un citron. Ce sont des bandits dans le bac, ça fait midi, midi. Ce sont des bandits dans le bac, ça fait midi, midi. Ce sont des bandits, là. Ce sont des bandits, là. Ce sont des bandits dans le bac, ça fait midi, midi. Deuxième couplet, je vais la coste. On casse la H3 sur la côte. Je dépense 800 E chez la coste. J'ai rempli tous ces photos de ma quiche, t'as dans ma quiche, je suis un poteau tous. Master en masse, tout. Envoie une masse à roule à pied, tout. Dans la loca, je suis pété. C'est nous les plus, je peux m'enquêter. Sous CR toute l'année, en CR, je parle toute la nuit. Je parle toute la vie, depuis qu'on cache les J'appelle Kara, et c'est carré, il pète ton chaos. J'appelle Momo, et c'est carré, il démonte un citron. J'appelle Kara, et c'est carré, il pète ton chaos. J'appelle Momo, et c'est carré, il démonte un citron.